69, l'allemand. On vit comme si on est immortel alors qu'on est que de passage. 25 piges, préfère l'époque où ma mère faisait mes bagages. Y'a trop d'hypocrisie chez nous, des fois y'a well ou chez moi. Y'a plus personne aux alentours, pourtant c'est déjà à Rodo. Chronique et tout main dans la main, mais des potos perdent des dos. Pourquoi on se console qu'avec le mal, avec ceux qui parlent sur nous. La vie c'est qu'un problème, le meurtre un sujet tabou. Moi je souris pas quand j'ai tout, mais quand je prie je suis serein du plus profond, même quand y'a chi. J'suis comme Pipo Inzaghi, la grinta je vous le dis, mais chanterai pas jusqu'à que j'ai 1000 ans. Y'a pas Tony Mani ici, mais y'a beaucoup de l'arrière qui suce. Pas les femmes qui sont dangereuses, c'est les rats qui consomment le plus. Sur le bon chemin, retourne-toi pas. Moi je vois la pêche sans un pas, faut rester fort comme toi mon frère. Y'a pas de maman ni papa. Pour là que c'est pas facile, et non on se plaint pour Wellou. J'ai pas si j'ai pas ça, bah les couilles du Zeyo. L'amour des proches c'est tout, le reste bah les couilles frérot. Ils disparaissent tous quand tu retombes à zéro. Inoubliables sont des moments, mais gros le passé c'est passé. Si t'as trahi, dis pas pardon et nique ta mère au passage. Ces gamineries, j'ai passé l'âge, ils te parlent même c'était pas célibre. Ils construisent des relations haram et ils se plaignent que c'est pas solide. Ils veulent frôler la folie. Et non, c'est pas très joli. Au clair de la lune, où tu te caches mon poteau. On va te montrer la rune, où les crapules du ghetto. Au clair de la lune, où tu te caches mon poteau. On va te montrer la rune, où les crapules du ghetto. Entre nous c'était pas simple, combien de choses on a passé. On s'attache plus aux gens, se faire du mal c'est plus possible. Entre nous c'est pas comme eux, on chape à ce que l'autre possède. Tu pars je te lâche, pas je fais poursuite pour dormir l'esprit plus lèche. Ça change pas, j'ai mon cerveau et rien qui fait des tourniquets. C'est pas de ceux qui cherchent la merde, puis quand elle vient c'est tout petit. En Algérie ou bien je l'ai en République Dominicaine. Ça bouge pas l'essentiel, c'est que les rats tu s'y tirent d'ici. J'suis toute la soirée chez Zino, toute la soirée devant les mics. J'vois les mêmes têtes balafrées, les mêmes faire contrôle par la vague. Ça a bien changé depuis l'époque, maintenant un pic on tique ta vie. Y'a plus de principes et valeurs, regarde qui mettent dans des habits. J'préfère un petit trop comme Fahim que d'avoir la femme à Bécane. J'aime trop les journées au calme, dimanche à femme sur une bécane. Magal City c'est la rotonde, la pyramide, Léo Lagrange. La Darnaise y'a mon mousseau, la divise mais qui tient le manche. Qui tient les manettes, la ratusserie c'est pas l'état. Et qu'est-ce tu crois, deux trois réflexions tu te mets dans tous tes états. J'me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est comme avant c'est solidaire. Y'en aurait quatre comme Mbappé, y'aurait moins de frères au cimetière. Sur civière tu payes quand t'as pas su t'y faire. Ils se font détourner par des ports en se faisant chat par Lucifer. Ou des martyrs, y'a peu d'espoir, y'a trop de microbes et sans repère. C'est pas le pire, on vit dans le noir, pourtant dans la pièce y'a lumière. À la maison, alhamdoulilah, j'entends ma mère. Pour ça t'as mon frérot, l'orphelinat c'est un goût amer. Et puis je repense à toutes ces années qui sont passées. Je repense à tous mes potos, dis-moi où ils sont passés. Quand je suis passé de brasser, j'avais même plus assez. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Et puis je repense à toutes ces années qui sont passées. Je repense à tous mes potos, dis-moi où ils sont passés. Quand je suis passé de brasser, j'avais même plus assez. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Et non frérot, c'est pas facile.